Il était une fois une merveilleuse petite fille qui vivait seule avec sa maman dans une maison perdue au fin fond de la vallée. Elle était polie, elle était serviable, elle était aussi l'une des meilleures élèves de sa classe. Tous les villageois l'adoraient, tant elle était chaleureuse et enjouée. Le boulanger ne manquait jamais de lui donner une friandise lorsqu'elle venait acheter le pain, et le boucher lui offrait toujours un croc os à moelle pour son chien. On lui avait donné un surnom, le petit chaperon rouge, car sa mère lui avait confectionné une sorte de petit manteau de laine rouge, appelé en ce temps-là un chaperon. De beaux cheveux blonds bouclés entouraient son frais visage aux yeux bleus comme la mer. Et son sourire était aussi joli que celui d'une princesse, alors qu'elle et sa mère vivaient modestement. Ah, comme elle était mignonne dans son manteau! Tout le monde se retournait sur son chemin. C'est bien simple, elle était à croquer. Alors un mercredi matin, sa mère lui dit « Viens par ici, ma chérie, j'ai une course à te confier. » « Oui, maman. » « Tu devrais rendre visite à ta grand-mère. La pauvre est au lit avec 42 fièvres. Elle ne peut même pas se rendre au marché pour faire ses courses. Un peu de compagnie lui remonterait le moral. Et puis, tu lui ferais la lecture. Tu sais comme elle aime lire son journal chaque jour. Mais là, elle n'en a même plus la force. » L'enfant aimait beaucoup sa grand-mère, qui le lui rendait bien. Et chaque fois qu'elle le pouvait, elle allait passer quelques jours chez elle. Et l'année dernière, elle avait même passé tout le mois d'août chez la vieille femme. Et le soir, à la veillée, grand-mère lui raconter des histoires passionnantes du passé ou des contes et des légendes. Oui, chouette. Est-ce que je pourrais rester couchée chez grand-mère? Après tout, il fera déjà presque nuit quand il sera l'heure de repartir. Oh, toi, je te connais. Tu vas encore te faire dorloter. Un bonbon par-ci, un carré de chocolat par-là. N'est-ce pas, hein? Après tout, ça sert à ça, une grand-mère. À dorloter les petits-enfants. Tu sais, maman, ce que j'aime surtout quand je vais chez grand-mère, c'est que le soir après dîner, on s'installe toutes les deux dans son grand lit. Elle me raconte des tas d'histoires. Mais dis-moi, si elle est couchée, comment fait-elle pour manger? Eh bien, justement, j'ai préparé plein de bonnes choses pour elle. Tu vas aller lui porter. Maman sortit du placard un joli panier en osier, sur lequel était posé soigneusement un torchon à carreaux rouges et blancs. Elle le souleva légèrement. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Allons. Ne me dis pas que tu ne sais pas, hein. C'est sa gourmandise préférée. Tu sais bien, une galette avec un petit pot de beurre. J'adore. Je suis bien certaine qu'elle m'en laissera la plus grosse part. Mais bien sûr. Allez, prends ce panier. Mets ton manteau et ne traîne pas en route, hein. Et si tu rencontres quelqu'un qui essaie de te parler... Je sais. Je ne lui adresse pas la parole. Moque-toi de moi. Tiens, au fait, dis-lui bien que je viendrai la voir dimanche. J'irai moi aussi lui faire la lecture. Et je lui apporterai un nouveau livre. Après avoir embrassé sa gentille maman, voilà notre petit chaperon rouge qui se met en route en chantant. Chouette, je vais voir grand-mère. Chouette, je vais voir grand-mère. Tra-la-la-la. Mais que le chemin par la route est long. Je crois que je vais un peu désobéir à maman. Je vais passer par la forêt, c'est beaucoup plus court. Ma grand-mère est malade, je m'en vais de ce pas. En chantant des balades, traverser le grand bois. Par un petit raccourci dont je vais profiter pour voir mes petits amis dans la forêt cachée. Allez, grand-mère va s'inquiéter. Allez, je dois me dépêcher avec mes petites douceurs et mon petit pot de beurre. malgré les interdits de ma jolie maman. Ici tout me sourit, c'est déjà le printemps. À force de trop tarder, soudain la nuit descend. Vite qu'il faut me presser avec mes fleurs des champs. Allez, allez, allez, grand-mère va s'inquiéter. Allez, allez, allez, je dois me dépêcher. Avec mes petites douceurs et mon petit pot de beurre. Ma grand-mère est malade, je m'en vais de ce pas. En chantant des balades, traverser le grand bois. Malgré les interdits de ma jolie maman, à force de trop tarder, soudain la nuit descend. Allez, allez, allez, grand-mère va s'inquiéter. Allez, allez, allez, je dois me dépêcher. Avec mes petites douceurs et mon petit pot de beurre. Et c'est ainsi que notre petit chaperon rouge prit le chemin de la forêt. Oh, elle adorait les odeurs qui montaient de la terre après la pluie, ou la senteur des arbres en fleurs. Elle rencontra tout d'abord son ami, Jeannot le lapin. Ah, un beau petit animal tout blanc qui était son copain depuis toujours. Hé, hey, bonjour, petit chaperon rouge. Oh, ça fait un moment qu'on t'avait pas vu dans la forêt. Qu'est-ce que tu fais par ici? En hiver, ma maman ne veut pas que je prenne ce chemin pour aller chez grand-mère. Tu sais comment sont les mamans? Fais pas ci, fais pas ça. Pourtant, je suis bien assez grande pour savoir ce que je dois faire et par quel chemin je peux passer. Et pourquoi ne veut-elle pas que tu passes par la forêt? Elle dit que c'est trop dangereux, qu'on peut y faire de mauvaises rencontres. Tous les trucs que racontent les mères, quoi. Oh, elle a bien raison. Il y a encore dans ces bois quelques vilains animaux encore sauvages. Et ils ne sont pas les meilleurs amis de l'homme. Tu dis cela pour me faire peur, mais tu n'y arriveras pas. Non, non, non, non, non, non. Oh, sois quand même prudente. Allez, il faut que je te quitte. J'ai encore du travail. Je prépare mes affaires car je déménage demain matin. Nous avons creusé un nouveau terrier sur la colline à côté du Grand Seine. Oh, très confortable, hein. Oh, passe me voir un de ces jours. Et Jeannot disparut dans les buissons. Alors le petit chaperon rouge reprit sa route, s'arrêtant par-ci pour cueillir des fleurs sauvages, s'arrêtant par-là pour ramasser des noisettes. Elle se méfiait de rien. Quand soudain... Au détour d'un arbre, elle se trouva nez à nez avec compère le loup. Ah, bonjour, petit chaperon bleu. Non, pas chaperon bleu, que tu es bête. Mon nom, c'est Chaperon Rouge. Oui, enfin, c'est pareil. Dis-moi, ce n'est pas très prudent de flâner par ici. Tu pourrais y faire de mauvaises rencontres. Je sais. Ma mère me l'a déjà dit. Et Jeannot Lapin aussi. Mais je ne vois pas qui. Ah, ce Jeannot Lapin. Un jour, je finirai bien par l'attraper. Et ce jour-là... Qu'est-ce que tu dis? Enfin, je disais que ce Jeannot Lapin est le plus mignon des lapins que je connaisse. Le loup, le loup, il aurait bien croqué sur le champ la petite fille. Mais on entendait, à deux pas de là, le bruit sec des haches des bûcherons qui travaillaient. Et l'enfant aurait pu crier, notre loup tenait bien plus en la vie qu'à un repas, fut-il aussi appétissant. Il décida donc de procéder par la ruse. Et où vas-tu comme ça, petit chaperon jaune? Mais non, chaperon rouge, chaperon rouge. Oh là là, qu'il est bête ce loup. Chez ma grand-mère, elle est malade. Ah, et c'est loin chez ta grand-mère? Ah si, oui. C'est la maison des bois, après la clairière des Trois Rivières. Tu connais? Je vois. Oui. Tiens, j'ai une idée. Amusons-nous un peu si tu veux. Je vais prendre ce chemin-ci qui est le plus long et toi tu iras tout droit. Eh bien, je te parie que j'y serai arrivé avant toi. J'en suis bien certain. Voilà un jeu amusant. Je trouve que c'est une bonne idée. Le premier arrivé aura gagné. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ton petit panier? Une galette et un petit pot de beurre pour ma grand-mère. Eh bien, disons que si je gagne, tu m'offriras une part de galette. J'ai tellement faim. D'accord. Mais si c'est moi qui gagne? Eh bien, je t'inviterai à un endroit où on peut cueillir les plus belles fleurs de la forêt. Ou à un autre, où les cerises sont grosses comme des abricots. C'est d'accord, tape là. Mais attention, pas de triche, hein. Ainsi fut fait. Au début, le petit chaperon rouge ne pensa qu'à une seule chose, gagner la course contre le loup. Elle hâta le pas et faillit même courir. Mais elle se dit que le chemin que le loup avait pris était si long... J'ai une petite faim. Qui court dans le bois, tout de rouge vêtu, peut-être un bon repas qui se présente à ma vue. Les poulaillers sont vides, je n'ai plus rien à manger. J'ai beau crier famine, je dois me débrouiller. Non, n'est pas loup qui veut. Non, n'est pas loup qui veut. Et surtout loin des villes, je fais ce que je peux. Pas un supermarché pour me ravitailler. J'ai l'estomac qui pleure et rêve d'un hamburger. Non, n'est pas loup qui veut. Non, n'est pas loup qui veut. Voyons ça de plus près. Ce qui rôde par là, ça me semble bien frais, c'est du tout premier choix. Je vais en faire qu'une bouchée, pour ça je dois ruser. C'est mon atout premier à ma grande habileté. Non, n'est pas loup qui veut. Non, n'est pas loup qui veut. Et surtout loin des villes, je fais ce que je peux. Pas un supermarché pour me ravitailler. J'ai l'estomac qui pleure et rêve d'un hamburger. Non, n'est pas loup qui veut. Non, n'est pas loup qui veut. Ah non, n'est pas loup qui veut. N'est pas loup qui veut. Pourtant, chemin faisant, la fillette ne put s'empêcher de s'arrêter à nouveau pour remplir son panier de fleurs sauvages et puis de noisettes toutes fraîches, tant et si bien que... Eh ben, c'est le loup qui arriva le premier à la maisonnette. Si je me débrouille bien ce soir, j'aurai dans le ventre une grand-mère et une petite fille bien en chair. Faisons preuve de ruse et d'habileté. Il frappa à la porte. Qui est là? C'est ton petit chaperon rouge. Je veux dire chaperon rouge. Je t'apporte une bonne galette et un petit pot de beurre. Ah, c'est toi, mon enfant. Tire la bobinette et la chevillette chéra. Le loup tira la bobinette qui était une sorte de cordon et la porte s'ouvrit en un éclair. Il se jeta sur la vieille dame et la dévora toute crue en un seul morceau. Car cela faisait bientôt 3 jours qu'il n'avait rien mangé. Il referma soigneusement la porte, enfila une chemise de nuit et mit le bonnet de coton qui un instant auparavant se trouvait encore sur la tête de la brave femme. Puis s'installa confortablement sous l'édredon qu'il prit bien soin de remonter jusque sur son nez afin de n'être point reconnu. Oh, il n'attendit pas longtemps, car bientôt on frappa à la porte de bois. Alors il imita la voix tremblante de la grand-mère. Qui est là? C'est ton petit chaperon rouge, grand-mère. Voici donc mon dessert. Ma petite fille, entre donc. Tire la bobinette et la chevillette, chère rat. Le petit chaperon rouge tira la bobinette et la porte s'ouvrit. Elle entra posa sans se méfier son panier sur la table. Elle retira son manteau et le posa sur une chaise. Puis, elle souleva le torchon qui recouvrait le panier et une délicieuse odeur emplit la pièce. Bonjour, grand-mère. Tiens, je t'apporte une bonne galette que maman a faite spécialement pour toi ce matin, ainsi qu'un petit pot de beurre frais. Ah, comme c'est gentil! Viens donc me faire un petit câlin, j'ai un peu froid. Pourtant, avec cette fièvre, je vais te raconter l'histoire... Tiens, celle que tu préfères, celle du grand méchant loup. Tiens, justement, en parlant de loup, j'en ai rencontré un en route. Quel idiot! Il m'appelait le petit chaperon jaune, le petit chaperon bleu, le petit chaperon rouge. Nous avons fait la course et j'ai gagné. Il a dû être si vexé que je ne l'ai même pas revu. Le loup ne put s'empêcher de ricaner d'une façon étrange. Qu'est-ce que tu as, grand-mère? Tu as l'air rudement malade. Non, je tousse, voilà. Ah, c'est cette fichue grippe. Dépêche-toi et viens ici bien au chaud. L'enfant, qui ne se doutait de rien, fit ce que lui demandait sa grand-mère et vint se blottir au creux de son épaule. C'est bon, comme il fait chaud sous l'édredon. Alors, grand-mère, tu me la racontes, cette histoire de grand méchant loup? Tu es sûre que tu ne vas pas avoir peur? Tu rigoles. Allez, raconte! Et le loup commença à raconter. Croyez-moi, les enfants, ils connaissaient toutes les plus belles histoires de loup. Mais, au bout d'un moment, le petit chaperon rouge... sembla intrigué. Oh, mère grand, comme c'est drôle, tu as de grands bras. Je ne l'avais jamais remarqué. Ah, mais c'est pour mieux te serrer dans mes bras, mon enfant. Ah bon? Mince alors, que tes oreilles sont devenues grandes et toutes poilues. On dirait qu'avec la grippe, elles ont poussé. Ça fait drôle. Non, mais non, c'est simplement pour mieux t'entendre, mon enfant. Ah bon, mère grand? Et le petit chaperon rouge se remit à écouter avec attention la belle histoire que sa grand-mère était en train de lui raconter jusqu'au moment où la petite fille regarda sa grand-mère dans les yeux. Oh, et tes yeux? Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, mes yeux? Comme ils sont grands! Oh, mais c'est pour mieux te voir, mon enfant! C'est à cet instant que le loup, déguisé en grand-mère, sourit pour la première fois, laissant apparaître ses énormes canines et ses puissantes molaires. Oh! Mère grand, que tu as de grandes dents! C'est pour mieux te manger, mon enfant! Et en disant ces mots, l'horrible loup se jeta sur le petit chaperon rouge. Il le mangea comme il avait mangé la grand-mère. Puis il retira son ridicule bonnet et sa chemise de nuit et décida de rentrer dans sa tanière. Mais il n'avait pas l'habitude de dormir dans un lit et préférait de beaucoup la fraîcheur et de la mousse de la forêt. Il avait fait si bonne chère qu'il somnolait un peu sur le chemin lorsqu'un chasseur l'aperçut. L'homme ajusta son fusil en douceur, prit son temps pour viser, et d'une balle bien placée, tua net le vilain animal. Ah, le chasseur s'approcha. Ah oui, il était fier de lui. Il y avait si longtemps que les villageois cherchaient à se débarrasser de ce grand méchant loup qui dévorait les moutons et dévastait les poulaillers. Depuis la nuit des temps, on a très peur du loup. Et depuis que Mère Grand fut mangé par ce fou, on peut se demander ce que l'enfant a pensé en voyant aliter sa grand-mère qu'elle aimait. avec de si grandes dents et de telles oreilles? Est-ce les médicaments, une piqûre d'abeille? Trois petits tours de chaperon, trois petits tours et puis s'en vont tous les bonheurs de la leçon. Alors merci au bûcheron d'être passé comme chaque fois, une fois de plus au bon endroit. Trois petits tours de chaperon, trois petits tours puis s'en vont. Mais elle n'eut pas le temps qu'il en fit qu'une bouchée. En l'espace d'un instant, par la bête affamée. Mais fort heureusement, on trouve dans la forêt des bûcherons charmants, prêts à tout pour sauver tous les petits enfants qui n'écoutent pas assez les conseils des parents sur les grands dangers. Trois petits tours de chaperon, trois petits tours et puis s'en vont tous les bonheurs de la leçon. Alors merci aux bûcherons d'être passé comme chaque fois, une fois de plus au bon endroit. Trois petits tours de chaperon, trois petits tours puis s'en vont. Trois petits tours de chaperon, trois petits tours puis s'en vont. Il s'apprêtait à le charger sur son épaule lorsque il entendit une petite voix étouffée qui venait du ventre de l'animal. Délivrez-nous, je vous en prie, nous sommes là, dans le ventre du loup. Le chasseur n'en crut pas ses oreilles. Il tira prestement son couteau de sa poche et ouvrit délicatement le ventre du loup. Le petit chaperon rouge sortit, tenant sa grand-mère par la main. Ah, ah, on étouffe là-dedans, et ça sent mauvais. Oh, merci bien, monsieur le chasseur. Sans vous, nous étions perdus. Le chasseur raccompagna le petit chaperon rouge et sa grand-mère à la maison des bois. Pour le remercier, l'enfant lui offrit une grosse part de galette et une bonne tartine de beurre frais. Et lorsque le chasseur eut pris congé, alors là, le petit chaperon rouge s'installa dans le lit bien au chaud, à côté de sa grand-mère, et lui dit... Alors, grand-mère, tu me racontes une belle histoire? Oui, bien sûr. Voyons, il était une fois un grand méchant loup qui avait... Oh non, pas une histoire de loup, je t'en prie. J'en ai eu assez pour aujourd'hui. Quand je frappe à sa porte, sa bonne humeur m'emporte. Adieu les petites misères qui tombent sur la terre. Tout est simple comme le jour, tout près de son amour. Et quand vient le soir, elle me compte des histoires. Moi j'aime ça, c'est bon le bonbon. Comme elle est très gourmande, moi aussi je me laisse prendre au jeu du bon lait chaud avec des bons gâteaux. Et comme je suis très sage, oui sage comme une image, dans son lit douillet, je m'endors d'un seul trait. Grand-mère c'est la plus belle des mères grands. Avec elle c'est sourire au balcon à toutes les saisons. Avec elle c'est bon au chocolat et moi j'aime ça. Grand-mère est la plus belle des mères grands. Avec elle c'est sourire au balcon à toutes les saisons. Avec elle c'est bon au chocolat et moi j'aime ça. Et le petit chaperon rouge s'endormit en suçant son pouce, comme tous les enfants sages. Enfin sages, hein? Ah, il faut le dire vite, car l'enfant, il avait désobéi à sa mère en passant par le bois. Chaque histoire veut qu'il y ait une morale. Alors sachez, petits enfants, qu'il ne faut jamais, jamais désobéir à sa maman. Ne jamais suivre les inconnus, ni leur parler dans les rues.